Aujourd'hui pour être heureux, comment je fais? Y'a tout le monde qui m'aime, d'autres moins 20 ans passés, c'est comme si ma vie achevait. 50 rap, 12 ans d'école, 3 de belle vie. C'est sûr que j'en envisage plus si je vois en date bombe car Kelly, mais alors qu'il est, je suis juste narquois. J'ai tellement de choses à dire que quand j'écris, je sais pas, je commence par quoi. Premièrement, si je rap, c'est pas par choix. Non, bon, écoute ce que je fais, puis si t'aimes ça, prépare-toi. Ça frappe, ça sonne, sonne, c'est pas de la scrap que je donne, c'est dit. Je me concentre sur mes textes, je serai jamais off-beat. Donne-moi un mic, puis je fous le feu, je me fous de ceux qui se vendent d'avoir de la boue, du vin, du fond, ou du mousseux. Je te hais à coup sûr. Sur le coup, tu dis que je vois quand ceux tu m'endures. Genre à dire à ta copine qui est belle, même si elle fait dur, narquois. C'est du sang peu, accro du mic, c'est sûr. Autant que drogué sans cure, hey. Moi sans rap, c'est comme une église sans curé. Ceux qui me connaissent le savent, je fonce enculé. Tu peux t'enculer sur moi, je suis pas rancunier. Mais face à face, tu parles pas enculé. Compte combien de fois j'ai pris un mic d'après toi. Le 5, 58, songe Hiro et puis moi. Je me pose des questions sur mon futur ou ce qui m'attend. Des questions sur ce que j'ai fait ou simplement sur ce qui m'a tenté. Salut, lève les mains pour moi. C'est encore moi. Narquois, salut, bouge la tête pour moi. Comment tu vas? Maintenant ça va. J'ai reggae, dirigué, pour au goût. J'ai reggae, merigué, sirigui, faraga, le reggae, que reggae, maraga, virigui, flop. N-A-R-K-O-I, j'suis fucked up. J'peux savoir qu'est-ce qui m'attend. Vers 40 ans, au-dessus j'appuie sur que tu m'aides si tu m'entends. Écoute, narquois, reste bon, laisse les choses aller. Tu peux compter sur tes amis, sur ta parenté. Est-ce que je vais vivre heureux ou malheureux, avec des enfants ou non, dans un HLM ou une maison? Ça dépend de toi, des actions que tu poses maintenant. Choisis ton destin, c'est ta vie maintenant. Ok, je me force à rester droit dans un monde proche. J'ai toujours dit que la marche noire pour moi c'était don't touch. Pour l'instant, je me contente de faire la fête avec mes proches. De vivre au jour le jour, même si nos vies sont moches. L'église, les sons de cloche, les funérailles, le monde rush. La pauvreté nous suit comme si c'était un chien de poche. Tous ceux qui rap ramènent toujours la même bullshit. Mais c'est normal, on voit ce qui se passe ensuite, on le spit. Au fait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec les anges? Est-ce qu'il y en a un qui veille sur moi? Je veux savoir, ça me dérange. Si je veux monter sur lui, ou si je le dérange. Si un jour je suis pris, puis qu'il faudrait que je mange. Je crois en moi, je fonce. Donne ton 100% dans ce que tu fais. C'est ce que je fais. Les anges t'aideront. Ouf. Même si je fais beaucoup trop de graves, même si je fréquente pas les qui souvent que je suis en bas mes paragraphes. Tellement chaud sur le stage, je lance des photographes. C'est encore moi. En 2003, c'est présent quoi? Salut. Si je suis qui maintenant présente toi? Autant de questions qui restent en moi. Le temps demeure la seule réponse. Les années passent après je vieillis. Je reste à savoir ce qui vient dans mon coin de pays. Je vis au jour le jour sans savoir ce qui m'attend demain. Ma vie reprend son chemin à gauche, à droite sans clignotant. Salut. Lève les mains pour moi. C'est encore moi. Le petit narquois. Salut. Bouge la tête pour moi. Comment tu vas? Maintenant ça va. J'ai reggae, dirigué, pour au goût. J'ai reggae, mais reggae, c'est reggae. Faraga, le reggae, que reggae, maraga, virigui, flop. N-A-R-K-O-I, j'fais le fuck up.